La Corée augmente la production des médicaments Coriot. Jusqu'à la date du 15 courant, les usines relevant du département de la production des médicaments Coriot du ministère de la Santé publique a accru cette année le taux de production trimestriel à 1,4 fois plus que le plan. Les usines des médicaments Coriot de Dongdaewon et de Pyeongchang, l'usine de transformation des médicaments Coriot de Gangae et autres fabriques du pays, veillent particulièrement aux matières premières et à l'assurance des matériaux et livrent dynamiquement le mouvement d'innovation technique pour améliorer la qualité des produits, tels que la transformation des médicaments en extraits, afin de contribuer à l'amélioration de la santé des habitants par l'augmentation de la production des médicaments Coriot à haute efficacité.